En plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise, pour qu'il pût dormir commodément, il le baisa chaleureusement au front en chantant « Dormez, mes chers amours, pour vous, je veillerai toujours. » « J'ai peur qu'il ne soit malade, » dit Victorine. « Restez à le soigner alors, » reprit Vautrin. « C'est, lui souffla-t-il à l'oreille, votre devoir de femme soumise. Il vous adore, ce jeune homme, et vous serez sa petite femme, je vous le prédis. » « Enfin, » dit-il à haute voix, « ils furent considérés dans tout le pays, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment finissent tous les romans d'amour. « Allons, maman, » dit-il en se tournant vers Madame Vauquet, qui l'étreignit, « mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais aller vous chercher un fiacre, soi-même. » Et il partit en chantant, « Soleil, soleil, divin soleil, toi qui fais mûrir les citrouilles. « Mon Dieu, dites donc, Madame Couture, cet homme-là me ferait vivre heureuse sur les toits. « Allons, » dit-elle en se tournant vers le vermicellier, « voilà le père Goriot parti. Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l'idée de me mener nulle part, lui. Mais il va tomber par terre, mon Dieu. C'est-il indécent à un homme d'âge de perdre la raison? Vous me direz qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas. Sylvie, montez-le donc chez lui. »